Chapitre 3e. Histoire de Roxelane. Soliman le Magnifique, qui avait rempli le sérail des plus belles femmes de l'univers, eut deux favorites. La première était une géorgienne apathique et simple d'esprit. Elle lui donna un fils, héritier de l'Empire, et fut bientôt délaissée pour la célèbre Roxelane. Celle-ci, née à Sienne, en Italie, était de race noble. Des pirates barbaresques pillèrent le château où elle demeurait au bord de la mer, et l'emmenèrent après avoir égorgé toute sa famille. Celui qui l'avait eu pour sa part de prise alla la vendre à Constantinople, et le Kislaraga l'acheta pour le sérail. Elle avait alors 16 ans. Sans doute elle oublia facilement sa naissance et les sentiments dans lesquels elle avait été nourrie, car elle attira l'attention du sultan moins par sa beauté que par son humeur vive et enjouée. Soliman, charmé de sa gaieté, la surnomma Kurem, joyeuse, et dans le sérail on l'appela Kurem, sultane. Les traducteurs ont fait de ce nom Roxelane sans se soucier de l'étymologie. L'habit de cette favorite contraste étrangement avec son nom. Elle continua la série des crimes domestiques dans laquelle la maison ottomane a dépassé les forfaits classiques de la race d'Agamemnon, et ses lèvres souriantes prononcèrent plus d'un arrêt de mort. Elle avait donné au sultan 4 fils et plusieurs filles. Souveraine absolue dans le sérail, elle ne craignait aucune rivale. Pourtant, l'ambition de Roxelane n'était pas satisfaite. Elle voulait devenir la femme légitime de l'empereur son maître. Depuis que le sultan régnait à Constantinople, il n'avait donné à aucune femme le titre d'épouse. Leur politique ombrageuse n'admettait que des esclaves dans le harem impérial. Leur favorite n'avait aucun privilège, aucun droit. Seulement celle qui, la première, leur donnait un fils, prenait le titre d'Asaki, qui appartient au Padisha. Le titre de sultan était réservé à la Validée, la mère du sultan, et aux princesses de sang impérial. L'aîné de la famille ottomane, l'héritier direct, s'appelait simplement le Chassadeh, le fils du roi. Soliman hésita avant d'élever si haut son esclave. Mais les séductions de Roxelane l'emportèrent. Il l'épousa solennellement devant le cadi et lui donna pour douair les revenus d'une province. Un sort si glorieux ne combla pas les désirs de Roxelane. Son ambition avait encore beaucoup d'autres choses à obtenir du sultan. C'était Mustapha, l'aîné des enfants de Soliman, le fils de la géorgienne, qui depuis sa naissance était considéré comme l'héritier de l'Empire. Bien que la loi qui l'appelait au trône eût été parfois éludée, le sultan persévérait à considérer ce fils comme son successeur. Il lui avait donné le gouvernement de la province d'Amasie, et malgré les secrètes obsessions de la sultane, il lui témoignait toujours les mêmes bontés. Roxelane se lassa de cette sourde lutte, et pour frapper son ennemi d'un coup plus sûr, elle lui envoya pour les fêtes du Bayram une corbeille de fruits confits avec un art merveilleux. Mustapha, dont la défiance était éveillée, ne toucha pas au présent de la sultane et en fit les honneurs à son messager, qui, comblé d'une telle faveur, mangea une poire et mourut un quart d'heure après. À cette nouvelle, la sultane, furieuse et consternée, se prépara à une lutte ouverte. Mais, soit insouciance, soit grandeur d'âme, Mustapha garda le silence sur cette tentative. Tandis que ceci se passait à Amasie, le sérail était en fête. Mohamed, le fils aîné de Roxelane, entrait dans sa 16e année, et déjà le sultan l'avait choisi pour gouverner une des grandes provinces de l'Empire. C'était comme une royauté qu'il lui donnait. La sultane ordonna pour son départ des préparatifs d'une magnificence extraordinaire. Son harem et sa cour se disposaient à le suivre, mais il était écrit qu'il ne sortirait pas du sérail. Atteint d'une fièvre maligne, il mourut presque subitement. Ses 2 frères, Selim et Bayezid, héritèrent de ses grandeurs, et Djangir, le plus jeune des fils de Soliman et de Roxelane, resta seul dans le sérail. Djangir était un pauvre petit être difforme, dont la tête charmante disparaissait entre 2 épaules monstrueusement inégales. Lorsqu'il eut atteint l'âge d'homme, on continua à le traiter comme un enfant, et il ne quitta pas les appartements intérieurs. Ses saillies égayaient le sultan qui, accoutumé à le voir près de lui, l'aimait avec tendresse et tolérait de sa part des hardiesses qui eussent coûté la vie à ses autres fils. Djangir avait le goût de la poésie, de la musique, des parfums, des pierreries et des beaux vêtements. Il portait habituellement des perles à son cou et un tesbih, un chapelet de sandal à la main. Ses goûts frivoles, sa vivacité enjouée l'éloignaient des intrigues du sérail. Soit qu'il manquât de pénétration, soit que les passions qui s'agitaient autour de lui fussent bien habilement dissimulées, il ignorait la haine mortelle que sa mère portait au Chazadeh, et par une contradiction étrange, il manifestait pour ce prince une vive amitié. Cependant, Roxelane avait repris son œuvre. Pendant quelques années, lentement, sourdement, elle travailla à détruire le prince Mustapha. Elle l'accusa sans relâche des plus perfides intentions et s'appliqua surtout à dénoncer ses efforts pour gagner l'affection de l'armée dont il était en effet fanatiquement adoré. Le padishah finit par prêter l'oreille à ses délations. Il considéra que son fils aîné avait plus de 30 ans, que véritablement il avait une grande influence sur le corps des janissaires, et que peut-être il trouvait déjà long son rôle d'héritier présomptif. La sultane comprit ses dispositions et frappa un dernier coup. Armée d'une lettre de Mustapha, elle l'accusa d'avoir formé le dessein de détrôner son père. La lettre était adressée au Shah de Perse et contenait la preuve de cette trahison. L'espion qu'il avait livré à Roxelan s'en était emparé, disait-il, après avoir tué le messager du prince. Cette pièce avait un tel caractère d'authenticité que Soliman y fut trompé. Il entra dans une fureur silencieuse qui était comme le prélude de ses plus terribles arrêts et commanda à son grand vizir, Rustem, d'aller porter à Mustapha l'ordre de se rendre immédiatement à Constantinople. Mustapha était alors au milieu de l'armée qui, depuis plusieurs mois, campait sur la frontière de son gouvernement. Il refusa fièrement d'obéir. Rustem comprit qu'il ne pourrait pas achever d'accomplir sa mission. Au lieu d'exécuter les ordres secrets de son maître, il lui manda que le Shahzadeh s'était emparé de tous les esprits et que si l'on touchait un cheveu de sa tête, les soldats et le peuple se révolteraient. C'était la première fois que le padishah commandait sans être obéi. Sa résolution fut prompte. Il se mit à la tête des troupes qui étaient à Constantinople et alla lui-même porter sa réponse au grand vizir. Tout le monde trembla quand l'étendard impérial parut en vue du camp. Soliman arrivait environné de la pompe guerrière qu'il déployait toujours quand il entrait en campagne. Il amenait avec lui le prince des Djangir et la plupart des grands dignitaires du sérail. On dressa la tente impériale à la tête du camp. Cette tente était une espèce de palais mobile dont les divisions formaient plusieurs salles d'une magnificence inouïe. Les lambris étaient tapissés de draps d'or et de soieries des Indes. Des tapis de Perse couvraient le sol fraîchement remué, et une fontaine jaillissait au centre d'un kiosque improvisé, dont les fenêtres donnaient sur un paysage solitaire. Quoique le sultan fût très proche du camp, il n'était pas importuné par les bruits de cette grande réunion d'hommes, et tout était aussi tranquille autour de lui que s'il n'eût pas quitté son sérail de Constantinople. Moins d'une heure après son arrivée, Soliman envoya à son fils l'ordre de se présenter sur le champ devant lui. L'envoyé du sultan trouva le prince sur le chemin d'Amazie. Un avis lui était déjà parvenu. Ahmed Pacha, un de ses partisans, le prévenait que des ordres funestes avaient été donnés contre lui. Mais le Shahzadeh était si certain du dévouement de l'armée qu'il crut que le sultan lui-même n'oserait rien contre sa personne. Il traversa le camp avec une contenance assurée. Le bruit se répandait déjà qu'il était accusé de trahison, et l'armée, saisie de terreur et d'indignation, gardait un silence menaçant. À la vue du prince, elle fit entendre des acclamations et des cris de joie qui durent parvenir jusqu'aux oreilles du sultan. Mustapha entendait encore le bruit de ces manifestations lorsqu'il entra dans la tente impériale. Selon l'usage, il dut quitter ses armes avant d'être admis en présence du padishah. Lorsque les eunuques blancs, qui gardaient la première porte, lui eurent ôté le sabre recourbé qu'il avait au côté et le poignard passé dans sa ceinture, il fut conduit par le Kapouagazi jusqu'à la salle qui servait d'antichambre au kiosque impérial. Il n'alla pas plus loin. Au moment où il entrait, 6 muets se précipitèrent sur lui, le fatal cordon à la main, et une lutte terrible commença. Mustapha, extraordinairement agile et fort, tenta d'échapper à ses bourreaux. Il se défendit avec tant de furie qu'à l'instant ils faiblirent et s'arrêtèrent incertains. Si le prince avait eu le temps de s'élancer au dehors et de gagner le camp, il sauvait sa vie et montait sur le trône. Mais avant qu'il pût profiter de l'hésitation et de l'effroi des muets, le sultan lui-même souleva la portière qui cachait l'entrée du kiosque et avança la tête avec un geste menaçant. À l'aspect de ce visage terrible, les muets comprirent qu'il fallait en finir. Ils revinrent vers le prince et après l'avoir terrassé, ils l'étranglèrent. Puis ils s'enfuirent comme s'ils eussent encore craint la colère du sultan. Pendant cette tragédie, personne n'avait songé au prince des Djangir qui était sorti pour visiter le camp. Ayant appris que Mustapha était allé vers le sultan, il rentrait pour lui donner la main. À la vue de ce corps immobile, de ce visage livide et taché de plaques bleues, Djangir jeta de grands cris et tomba dans le plus violent désespoir. Les eunuques, consternés et tremblants, voulurent l'éloigner, mais il se précipita sur le corps de son frère et l'étreignit avec une sorte de frénésie. Ses cris attirèrent le sultan qui lui ordonna, avec une tendresse mêlée d'autorité, de le suivre. Mais cette pauvre créature, si faible, si frivole, et qu'on supposait incapable d'aucun sentiment énergique, se tourna vers son père et lui dit avec fureur « Voilà donc ce que tu fais de tes fils. Bah, je t'empêcherai bien de me faire mourir par la main des muets. » En même temps, il tira de sa ceinture un petit poignard qu'on lui laissait plutôt comme un jouet que comme une arme dont il put jamais se servir, et avant qu'on eût compris son dessein, il se donna dans le cœur un coup mortel. Soliman fut couvert de son sang. On assure qu'il le pleura. Cependant, la fatale nouvelle se répandait dans le camp et l'attitude de l'armée devenait menaçante. De moment en moment, le danger grandissait et les janissaires commençaient à murmurer autour de la tente impériale. Pendant le reste de la journée, ils ne prirent aucune nourriture et le soir, ils manquèrent à la prière. La situation était terrible. Le sultan n'avait autour de lui que quelques troupes, ses ichoglans, ses eunuques et quelques grands fonctionnaires. Pourtant, il ne songea pas à flatter et apaiser cette multitude. Retiré dans son kiosque, il écouta toute la nuit le bruit confus que faisaient tant de gens qui veillaient. Quand le jour parut, il se leva sombre, courroucé, et dit au grand vizir qui attendait ses ordres en tremblant, puisqu'il murmure « Je vais le rendre, Mustapha ». En effet, le corps du malheureux prince, roulé dans un tapis, fut porté en vue du camp et exposé comme celui d'un rebelle qui venait d'expier justement son crime. En même temps, le padishah sortit à cheval, presque seul, et passa au milieu des soldats, la tête haute, le visage menaçant, et en regardant autour de lui comme pour découvrir ses ennemis. À cette vue, l'armée entière trembla et se prosterna le front dans la poussière en criant « Vive le sublime empereur! Vive le sultan Soliman !» Roxelan apprit en même temps la mort de l'homme qu'elle haïssait le plus au monde et la fin déplorable de son plus jeune fils. Pendant plusieurs jours, elle parut inconsolable. Mais dans le fond de cette âme méchante, il y avait peut-être encore plus de joie que de douleur. Le pauvre Djangir n'était pas le plus aimé de ses enfants. Depuis la mort de Mohamed, elle avait concentré tout son amour sur Bajazed, son troisième fils. À ses yeux, Selim, que le droit d'aîné s'appelait à monter sur le trône, était indigne de ce grand titre d'empereur. Il est juste de convenir que sur ce point, elle était d'accord avec le sentiment populaire. Bajazed avait toutes les qualités qui plaisent à la multitude. Il était beau, hardi, d'une complexion vigoureuse et singulièrement propre à tous les exercices guerriers. Selim, au contraire, avait la taille lourde, la face large et l'air indolent. On l'accusait de boire du vin en secret et même de s'enivrer, avec un juif renégat son favori. Les deux frères se haïssaient mortellement et il était aisé de prévoir qu'à la mort de Soliman, l'un des deux ferait étrangler l'autre. Cependant, Roxelan n'avait pas impunément triomphé. Ses espions l'avertirent de ce qui se passait dans le camp. Le sultan était resté sur les frontières de l'Anatolie, au milieu de l'armée. Il ne sortait plus de sa tente et semblait livré à une noire mélancolie. Tout lui était suspect. Il avait chassé le grand vizir et la plupart de ceux que protégeait la sultane. D'étranges rumeurs circulaient. On disait que les eunuques chargés d'ensevelir le prince Mustapha avait trouvé sur lui des papiers qui contenaient la preuve de son innocence. Lorsque l'empereur reprit, quelques semaines plus tard, le chemin de Constantinople, il paraissait certain qu'il avait résolu d'éloigner de lui Roxelan et de l'enfermer pour le reste de sa vie dans le vieux sérail. Roxelan l'attendait, tranquille, impénétrable. Usant des privilèges qu'il ne lui avait pas encore retirés, elle alla au-devant de lui dès qu'elle fut avertie qu'il entrait dans le sérail. Et alors, se prosternant à ses pieds, toute pâle et le visage en pleurs, elle lui dit avec l'accent de la plus profonde soumission « Des hommes méchants ont attiré ta colère sur moi par leurs mensonges. J'ai perdu ta faveur sans laquelle je suis moins qu'un ver de terre. Je ne veux plus vivre. Finis promptement mon supplice. Appelle les muets. Je suis prête et je bénis la mort, puisque c'est ta volonté que je meure. » Le sultan ne s'attendait pas à ces paroles. La douleur de Roxelan, son courage, sa résignation le touchèrent et changèrent subitement ses dispositions. Il l'emmena dans le somptueux kiosque qu'il avait fait construire sur le bord de la mer et passa le reste de la journée avec elle. L'un et l'autre avaient déjà oublié leur deuil. Ils mangèrent ensemble au son des instruments, servis par de jeunes esclaves, les plus belles qu'il eut dans le sérail. À cette occasion, une vieille Kadoun, gouvernante des filles, se permit de dire aux odalisques, dont la vie s'écoulait dans une attente toujours déçue, « Allez, allez, mes tourterelles. Il faut renoncer à l'espoir d'attirer les regards du sublime empereur. La plus grande faveur qu'il puisse vous faire, c'est de souffrir que vous lui présentiez à boire. » Dès ce moment, Roxelane comprit que son empire était inébranlable. Elle en profitait d'abord pour demander la mort d'un enfant, le seul héritier qu'eût laissé Mustapha. Quand elle eut ainsi détruit tout ce qui ne sortait pas d'elle dans la famille impériale, elle tourna sa fureur contre son propre sang et devint l'ennemi implacable de son fils aîné Selim. Déjà, elle avait inutilement supplié le sultan de changer l'ordre de succession. Soliman avait résisté à toutes ses obsessions, et il n'y avait pas apparence que sa volonté dût changer un jour. Le naturel audacieux de Bajazed lui faisait ombrage. Il se souvenait de l'avoir trouvé parfois moins respectueux que son frère, et il avait une prédilection pour Selim, qui avait toujours paru soumis et tremblant devant lui. Quand Roxelane eut perdu tout à fait l'espérance de changer la résolution de l'empereur, elle excita secrètement son fils à la révolte. Profitant de l'influence qu'elle avait dans les affaires de l'État, elle créa un parti à Bajazed et mit à sa disposition l'argent dont il avait besoin pour gagner les soldats par ses libéralités. Toutes ces intrigues étaient conduites si habilement que le padisha ne conçut aucun soupçon. Il apprit en même temps que Bajazed était à la tête d'une armée et que les pachas d'Asie, toujours prêts à la révolte, allaient s'unir à lui pour attaquer Selim. Cette fois encore, la résolution du vieil empereur fut prompte. Il envoya 100 000 hommes au secours de Selim. Avec cet appoint, celui-ci triompha sans peine de son frère, et le pays fut entièrement pacifié en quelques jours. Pendant ces troubles, Soliman n'avait manifesté ni souci ni colère. Lorsque tout fut fini, il envoya à Bajazed l'ordre de se rendre à Constantinople. Roxelane pénétra le sinistre dessein du sultan, et elle parvint à le fléchir à force de supplications, de mensonges et de larmes. Il révoqua l'arrêt de mort qu'il avait prononcé dans le fond de son âme, mais sa colère contre Bajazed était encore si violente qu'il ne voulut pas lui permettre l'entrée du sérail et qu'il lui envoya dire d'aller l'attendre dans un de ses kiosques sur la côte d'Asie à l'entrée du Bosphore. Le jour de cette entrevue, Roxelane voulut accompagner le sultan et elle monta avec lui sur la galiote impériale qui stationnait près de la pointe du sérail. 50 nuques noires environnaient la sultane, et tandis que ce cortège traversait les jardins, tous ceux qui l'apercevaient se prosternaient la face contre terre. En arrivant au kiosque, Roxelane se hâta d'aller près d'une fenêtre grillée sous laquelle son fils devait passer. Le sultan n'avait pas permis qu'elle le vît autrement. Quand elle l'aperçut, ses yeux se mouillèrent de larmes, et dès qu'il fut à portée de la voix, elle lui cria doucement « Ne crains rien, mon agneau, bah, ne crains rien !» Malgré cette assurance, Bajazed avançait en tremblant. La fin terrible de son frère Mustapha était présente à sa pensée, et il devint pâle lorsque, selon l'usage, les eunuques blancs lui ôtèrent ses armes avant de l'introduire dans la salle où était le sultan. L'entrevue fut courte. Je vais la raconter comme un trait des mœurs de ce peuple barbare. Le sultan reçut son fils d'un air sombre et irrité et sans souffrir qu'il parlât. Il reprocha durement sa tentative et sa folle ambition. Puis, s'animant par degrés, il en vint jusqu'à lui dire « Tu ne peux nier toutes ces trahisons. Le moindre de tes crimes mériterait la mort. » À cette parole, Bajazed frissonna et murmura des protestations de soumission et de respect. « Assez !» interrompit le sultan. « J'ai pardonné. Mais souviens-toi que tu paieras de ta vie le moindre signe de rébellion. » Là-dessus, il demanda le sherbet. Le sherbet est une boisson sucrée et fortement parfumée avec l'essence des fleurs ou le suc des fruits. Soliman fit présenter la tasse à son fils. Malgré les assurances qu'il venait de recevoir, celui-ci crut que sa dernière heure était venue. Il trempa, en hésitant, ses lèvres dans ce breuvage suspect et rendit la tasse au Kuptar Aga, à l'échanson, en jetant sur lui un regard sinistre. Soliman, qui l'observait, prit la même tasse et but à son tour jusqu'à la dernière goutte. Puis, sans permettre à son fils d'ajouter un seul mot, il le congédia d'un geste hautain. Malgré ce premier revers, la sultane ne tarda pas à recommencer ses menées. Elle était habile et audacieuse. Elle avait des trésors à sa disposition et pouvait, dans un moment de crise, gagner les janissaires. Elle serait parvenue à faire monter Bajazed sur le trône si le temps ne lui manquait. Mais la mort l'arrêta. Une maladie violente l'emporta en quelques jours. Elle expira entre les bras de Soliman, et à sa dernière heure, elle lui fit promettre de se souvenir d'elle si Bajazed avait de nouveau le malheur d'encourir sa colère. Roxelane mourut avant que l'âge eût détruit sa beauté. Elle était naturellement si dissimulée que jamais personne n'avait lu sur son visage ce qui se passait dans son âme. Ses traits étaient toujours naturellement calmes et souriants. On porta son corps dans l'enceinte de la mosquée bâtie par Soliman. Quelques années plus tard, le sultan alla la rejoindre, et aujourd'hui encore elle repose à quelques pas de lui sous les tranquilles ombrages de la Solimanière. Roxelane est la première femme qui est commandée souverainement dans le sérail. Elle est la seule esclave qu'un monarque du sang ottoman ait élevée au rang de femme légitime. Soliman ne la remplaça pas, mais il oublia qu'elle lui avait demandé la vie de son fils bien-aimé, et lorsque l'ambitieux Bajazet recommença la guerre, il le fit étrangler ainsi que les quatre fils qu'il avait eus de ses favorites. Les femmes n'eurent aucune influence sous le règne de Selim, et le harem devint un séjour triste et muet, où les eunuques et les kédanes gouvernèrent despotiquement les odalisques. Le sultan passait sa vie à table, entouré de chanteurs et de bouffons. Son aversion pour tous les exercices violents était excessive, et il se promenait dans les jardins du sérail couché dans une litière. Néanmoins, ce monarque indolent agrandit l'empire. Ses armées conquirent l'ancien royaume des Lusignans, la belle île de Chypre, où le Turc règne encore aujourd'hui. Les chrétiens prirent leur revanche en gagnant la bataille de Lépante, où la flotte ottomane fut dispersée et détruite. Ce revers attrista si profondément le padishah qu'il passa 2 jours sans boire ni manger. Quoique Selim n'eût point de favorite parmi les odalisques, il eut un certain nombre d'enfants, et lorsqu'il mourut encore à la fleur de l'âge, il avait 6 fils. L'aîné vivait, selon l'usage, éloigné de la cour. Les 5 autres, encore enfants, n'avaient pas quitté le sérail. La veille de sa mort, le sultan les fit venir près de son lit, et prévoyant leur sort, il versa des larmes et dit qu'il regrettait de ne pas les avoir envoyés auprès du roi de France, son allié. S'il eût accompli ce dessein, on aurait vu le spectacle étrange de 5 petits princes musulmans élevés à la cour de Henri III, sous les yeux de Catherine de Médicis. Selim ne se trompait pas sur l'avenir de sa triste progéniture. Quelques jours après sa mort, Mourad III, son successeur, fit étrangler tous ses innocents.